fais du réflexe, je dilapide mon texte, je pénètre ce complexe que plus rien ne me veille. Je m'envoie ma torpille qui passe sous le déguis, je pars à la jubrique et à la mon argile, c'est bien moins difficile que de te prendre tes billes. C'est bien moins difficile que de te prendre tes billes. N'aie plus peur des répressions qui font perdre la raison, agis en fonction avant d'atteindre le fond. J'ai peur que cette mission relative des infractions, que ma vie n'est qu'un peu d'artifice, sacrifice. Je préfère ce vice que d'être dans la police, dans mes mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Faire des mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Je magique et deviens platonique. Je suis plus électrique mais plutôt élastique. Sur le plastique, notre art devient magique. J'ai enfin entrepris un nouvel état d'esprit. Ce sont ces écrits qui sans souci m'ont appris que tout est bien pourri, réagis, et enfin. Que tout est bien pourri, réagis. Alors réagis. Ouais, ouais, réagis. Réagis. Mais si c'est de faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Mais si c'est de faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Avec du réflexe, je dilapide mon texte, pénètre sous contexte sans que plus rien ne me vexe. J'envoie ma torpille qui glace toute l'équipe, pareil, je brille carrément en magie. C'est bien moins difficile que de te prendre tes billes, c'est bien moins difficile que de te prendre tes billes. N'ai plus peur de répression qui font perdre la raison, agis en fonction avant d'atteindre le fond. J'ai peur que cette mission relative aux infractions, mais ma vie n'est qu'un peu d'artifice de sacrifice. Je préfère ce vice que d'être dans la police. Dans mes mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Dans mes mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Sans mal, je magique et deviens platonique. Je suis plus électrique mais plutôt élastique. Sur le plastique, notre art devient magique. J'ai enfin entrepris un nouvel état d'esprit. Ce sont ces écrits qui sont aussi mon tapis. Que tout est bien fourni, réagis, réagis. Que tout est bien pourri, réagis, réagis. Ouais, réagis. De faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Mais si c'est de faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Avec du réflexe, je délabille mon texte, puis pénètre ce contexte sans que plus rien me vexe. J'envoie ma torpille qui glace toute l'équipe, puis je brille, je rends agile. C'est bien moins difficile que de te prendre des billes. J'ai plus peur des répressions qui font perdre la raison, agis en fonction avant d'entendre le fond. J'ai peur que cette mission relative aux infractions, mais ma vie n'est qu'un feu d'artifice de sacrifice. Je préfère ce vice que d'être dans la police. Dans mes mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Dans mes mathématiques logiques, je préfère un bon stick. Sans mal, je magique et deviens platonique. Je suis plus électrique mais plutôt élastique. Sur le plastique, notre art devient magique. J'ai enfin entrepris un nouvel état d'esprit. Ce sont ces écrits qui sans souci m'ont appris que tout est bien pourri, réagis, réagis. Que tout est bien pourri, réagis, réagis. Faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Mais si c'est de faire la guerre à tout endroit de terre, mais si c'est de faire la guerre, c'est à tomber par terre. Avec du réflexe, je dilapide mon texte, je pénètre ce contexte que plus rien ne me vexe. Je t'envoie ma torpille, je gagne le sous-équilibre. Puis pareil, tu jouer carrément dans le jeu. C'est bien moins difficile que de te prendre tes billes. C'est bien moins difficile que de te prendre tes billes. Sacrifice dans la police. Sacrifice dans la police, et moi je la nique comme la justice. En fumant mon stick. Total direct live, man. Pour WP Home Production, man. Pour la répression. Pour la production. Legalize. Legalize tonight. Pour un 9-9. La pile, mon pile. Ouais, réagis, réagis, réagis. Total duo, Max, WPO. Ouais, c'était Max et Steve ce soir dans le mic pour le freestyle. Direct to live, man. Direct to live, man. Yes, yes, yes, yes, yo.